Mais, à la vue du personnage qui, discrètement, glissait une épaule le bout du nez par l'entrebâillement de la porte, sa colère soudain tomba. Il se rassit, se mit à rire, et du ton à la fois méprisant et vaguement affectueux, dont les juges accueillent un bon gredin habitué de la correctionnelle. « Comment, dit-il, encore vous, monsieur grand-père ?» Je regardais monsieur grand-père. Un homme de 60 ans, grassouillé, l'air paterne et doux. Vêtu d'un costume en grossier drap noir, de coupe pourtant montagnarde, il tenait à la main son chapeau, contrairement aux coutumes de nos paysans qui, non par marque de courtoisie, mais plutôt par crainte d'être ridicule et de mal saluer, restent coiffés dans un salon comme un musulman à la mosquée. « Entrez donc, grand-père, entrez donc tout à fait, puisque vous voilà !» Celui que maître Barjavel, appelé grand-père, fit un pas en avant, et je m'aperçus alors qu'il était manchot du bras gauche, avec un court moignon emboîté dans une capsule de cuivre. « Quel moment vous amène? Toujours des procès ?»« Toujours le même. Vous savez bien, celui que je veux faire à mon aîné, à cause du méchant bout de prairie. » »« Mais je vous ai dit 20 fois que vous avez tort et que vous perdrez. On ne tient pas à gagner, monsieur l'avocat, pourvu que mon frère se ruine. »